Sous les briques, les ombres se lèvent. Chaque pas résonne, la nuit se crève. Les rues glacées gardent mes traces. Chaque silence devient menace. Je suis Raider Skill, l'écho vivant. Chaque mot pèse, chaque mot tremblant. Les murs saignent dans la fumée. Chaque souffle vient s'y graver. Je prends vos cris, vos douleurs. Je les transforme en ma ferveur. Chaque vibré suit ma voix. Chaque vibration vous attire à moi. Je suis la fièvre qui ne s'éteint pas. Le froid gravé au fond de toi. Je suis le rythme qui vous entraîne. La braise. I am the shadow in your block, the rhythm you can't disguise. Half thunder, half lullaby, the fire behind your eyes. Born of silence, carved in flame, written in scars, in truth. I am Raider Skeleton and I sing because of you. Chaque sourire cache un cri, chaque lumière éclaire la nuit. Je marche encore sous vos regards, chaque pas frappe comme un départ. Je prends vos ondes, vos couleurs, je les absorbe en mes ardeurs. Les rues elles vibrent de mes pas, chaque pierre parle pour moi. I am the shadow in your block, the rhythm you can't disguise. Half thunder, half lullaby. La tempête, je garde ma trace. Chaque horizon devient ma place. Chaque vue ressemble à vibration. Chaque souffle nourrit la passion. Je suis la voix, je suis la loi. Le feu qui vit au fond de toi. Les blocs tremblent, la nuit succombe. Chaque lumière s'éteint et tombe. Je suis le cri qui traverse le temps. Je suis le chant de vos instants. I am the shadow in your block, the rhythm you can't disguise. Half thunder, half lullaby, the fire behind your eyes. Born of silence, carved in flame, written in scars and truth. I am Raider Skeleton and I sing because of you. Étoiles, je marche encore. Chaque vibration traverse vos corps. Je suis Raider Skill, je suis la flamme. Le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Dans vos veines, je laisse ma voix. Je suis l'ombre qui vit en toi. Et même quand le jour viendra, mon chant éternel brûlera.